السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا يا الإخوة والأخوات، auditeurs et auditrices qui nous suivent sur les radios du Majid al-Rahman de Brest. Marhaban bikoum jami'an. Dans cette troisième assise, après Tarawih, sur des thématiques diverses et variées, choisies à cet effet. Nous avions vu 10 règles dans la droiture dans la première nuit. Nous avions vu 10 causes qui aident à délaisser les péchés durant la seconde nuit. Aujourd'hui, nous allons aborder 10 moyens de repousser 2 mots qui sont des mots qui sont présents dans la communauté musulmane et qui font beaucoup de tort aux musulmans et aux musulmanes, à savoir la sorcellerie et le mauvais œil. La sorcellerie et le mauvais œil sont des méfaits qui sont réels et dans lesquels nous croyons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-aynu haqq », c'est-à-dire que le mauvais œil est vérité. C'est quelque chose de réel. Et c'est quelque chose par lequel, c'est une chose par laquelle une âme affecte une autre. Et le mauvais œil peut mener à la tombe. C'est-à-dire que le mauvais œil peut être une cause de mort pour l'individu. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith avait dit, le mauvais œil est ce qui fait que la chamelle finit dans la marmite et que l'homme finit dans la tombe. Et également, la sorcellerie est un mal qui est présent dans les communautés musulmanes. C'est-à-dire que dans les pays musulmans, la sorcellerie est devenue répandue, est devenue monnaie courante. Alors que la sorcellerie implique de la pratique polythéiste, de la pratique de la mécréance. Et donc, de ce fait, il y a un mal dans sa préparation et il y a un mal dans la personne qui en est affectée, qui viendrait à subir cette sorcellerie. Et donc, nous allons aborder 10 moyens qui permettent soit de guérir, de repousser le mal de la sorcellerie et du mauvais œil une fois qu'on en a affecté, ou que ceci peut servir en tant que moyen préventif, c'est-à-dire empêcher que la sorcellerie et ou le mauvais œil ne nous atteignent. Non. Sachant qu'il faut déjà se dire une chose, c'est que l'être humain a été créé pour une vie dans laquelle il y aura des épreuves. Une vie dans laquelle il y aura des épreuves et on peut être éprouvé de 2 manières. Cheikh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, parmi les ulama de la ville de Médine, avait expliqué que la richesse, par exemple, les bonnes choses sont une épreuve. Tout comme la pauvreté ou les choses difficiles sont une épreuve. Le riche est dans une épreuve. Le pauvre est dans une épreuve. Mais comme il l'avait mentionné Cheikh, en mentionnant une parole d'Ibn al-Qayyim, la véritable épreuve, c'est-à-dire l'épreuve la plus difficile, c'est d'être éprouvé par ce que tu n'aimes pas. Et Allah Azzawajal a dit, toute âme goûtera à la mort. Et nous vous éprouvons, bishar wal khair fitnatan. C'est-à-dire que nous vous mettons à l'épreuve, bishar, par le mal, wal khair, et par le bien, fitnatan, en tant qu'épreuve. Wa ilayna, et vers nous vous reviendrez. Et Allah Azzawajal donc va éprouver les serviteurs par le bien qui leur parvient, par le mal qui les atteint. Et ainsi, selon la manière avec laquelle le serviteur réagit, interagit avec le bien ou avec le mal qui lui parvient ou qui l'atteint, il sera jugé et sera amené à rendre des comptes. Allah Azzawajal a dit « Liyazziya alladhina asa'u » c'est-à-dire afin qu'ils rétribuent ceux qui auront mal agi en conséquence de leurs exactions. Et qu'ils rétribuent en récompensant les bienfaisants par la meilleure des récompenses, à savoir le paradis, qu'Allah m'accorde d'entrer au paradis ainsi que vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que concernant le croyant, le bien et le mal qui lui parvient et qui l'atteint ne sont que bien pour lui, dans la finalité. À savoir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ajaban il mu'min, la yaqdillahu lahu shay'an illa kana khayran lah. C'est-à-dire que comme c'est étonnant l'affaire du croyant, car Allah ne lui prédestine rien sans que ce ne soit pour lui un bien. Et tout ce qui lui arrive dans sa vie, au final, c'est un bien. Et dans le Sahih de l'imam Muslim, dans un hadith de Suhayb ibn Sinan, qui a rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr, wa laysa dhaka li ahadin illa lil-mu'min. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wasalam, dans cette version du hadith, a dit: comme est étonnante l'affaire du croyant, tout est pour lui un bien et ceci n'est que pour le croyant. Si il lui parvient une réjouissance, c'est-à-dire une bonne chose, quelque chose qui provoque sa joie, shakara fakana khayran lah. Il est reconnaissant pour ce bienfait qu'il obtient de la part d'Allah et ceci est un bien pour lui. Wa in asabathu darra, et si une nuisance, c'est-à-dire un mal, l'atteint, l'affecte, l'afflige, sabara, il fait preuve de patience, fa kana khayran lah. Et alors pour lui, ça a été une forme de bien. Donc gardez cela à l'esprit. Donc quels sont les moyens qui nous permettront d'être protégés ou d'être soulagés du mal de la sorcellerie et du mauvais œil, si on en est affecté? Le premier moyen, at-ta'awudh billahi min sharri as-sahir wal-hasad. Le fait de chercher le refuge auprès d'Allah contre le mal du sorcier, ou le mal du sihr, pardon, et de la jalousie. Donc le fait de chercher le refuge auprès d'Allah, de l'implorer, de se tourner vers lui, comme Allah nous l'a mentionné dans Sourate Al-Falaq. En effet, dans Sourate Al-Falaq, il y a la demande de protection qui est générale, puis la demande de protection qui est spécifique. C'est-à-dire, au début, il est dit, قُلْ, dis, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. C'est-à-dire, dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'Omniscience. Ça, c'est ta'awudh. C'est la demande de protection. Contre quoi? مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ. Contre le mal de ce qu'il a créé. Ça, c'est un mal général. Il y a le mal des créatures. Puis après, il y a des formes de mots spécifiques qui sont mentionnées. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِينَ إِذَا وَقَبْ. Et contre le mal de ce qui se trouve dans les ténèbres de la pénombre, lorsque la nuit s'obscurcit, c'est-à-dire les créatures malfaisantes, malveillantes, dangereuses qui sortent la nuit. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Et contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. Ça, c'est contre le mal de la sorcellerie, justement. Et النفاثات, c'est-à-dire celles qui soufflent, c'est féminin. Pourquoi? Ceci désigne les sorcières. Car en général, la sorcellerie est très répandue parmi les femmes. Mais ça ne veut pas dire que la demande de protection n'inclut pas le mal des sorciers hommes. Ils sont compris par la généralité du verset. Bien que le verset soit moyenné, retourné, orienté vis-à-vis de la gente féminine. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Ne confondez pas al-hasad ou al-ribta. C'est-à-dire que dans le din, il n'y a pas de mal à envier son frère, dans le sens où, si Allah a accordé une force physique à notre frère, ou une force dans la religiosité, du fait qu'il lui a accordé de mémoriser le Coran, ou le fait qu'il ait une entreprise et qu'il soit dans la pérennité, on peut l'envier dans l'autre sens où on aimerait avoir la même chose, sans pour autant détester ce qu'il a. La jalousie, c'est trois étapes. Trois étapes qui sont plus graves les unes que les autres dans ce qu'on appelle al-hasad. Et ça, c'est haram. La première étape, c'est le fait que tu détestes que ton frère ou ta sœur en islam ait reçu ce bienfait d'Allah. Le simple fait de le détester, tu es dans un péché. Et ça revient à un ishkal fil qadar. Ça revient à un problème dans le destin, dans la foi dans le destin. Car c'est-à-dire que tu désapprouves ce qu'Allah a prédestiné à ton frère ou à ta sœur, fil-là. La deuxième étape, c'est le fait de souhaiter que ce bienfait le quitte, c'est-à-dire qu'il perde ce bienfait. Ça, c'est encore plus grave en termes de transgression. Le premier, c'est le fait de détester cela, que ce bienfait soit parvenu à ton frère ou à ta sœur. Le deuxième, c'est espérer, désirer le fait que ce bienfait, il le perde. Le troisième, c'est commencer à œuvrer dans le but que cette personne perde ce bienfait. À la sabil al-mithal, imaginons dans un quartier, quelqu'un ouvre un commerce, il est prospère, Allah y met la baraka. Une personne déteste le fait qu'il ait eu ce bienfait-là. Puis il souhaiterait qu'il le perde. Puis après, il essaie de le détrousser. Il brûle son magasin. Il détruit son magasin. Il vole et dépouille ce frère. Il y a des gens qui font cela. Donc, et l'envie, par exemple, le fait que ton frère ait reçu de l'argent et qu'il le dépense fi sabilillah, tu peux l'envier dans le sens où tu aimerais avoir la même chose, c'est-à-dire avoir l'opportunité de dépenser dans le khair. Et tu souhaites que ce bienfait qu'il reste auprès de lui, qu'Allah l'augmente de ses faveurs, tu lui souhaites le bien. Mais tu veux plus que lui pour pouvoir faire plus de bien que lui, plus de khair que lui. Il n'y a aucun mal dans cela. Pareil pour la mémorisation du Coran. Il y a un frère qui a mémorisé plus de Coran que toi, tu l'envies, tu souhaites qu'Allah lui facilite le reste, mais tu aimerais qu'Allah t'accorde plus que lui. Il n'y a pas de mal à cela. Non. Et donc la première modalité, c'est le fait de chercher le refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car quiconque aura cherché la protection auprès d'Allah en étant véridique dans sa demande de protection et aura été véridique dans le fait de se cramponner et de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alors va le protéger. Et si Allah le protège, il lui est suffisant. Il va lui venir en aide et il le protégera et lui accordera le succès. Et Allah azza wa jalla a dit: Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Et quiconque s'accroche à Allah, c'est-à-dire qu'il lui est sincère, fidèle et loyal et dévoué, alors il a été guidé vers le droit chemin. Le deuxième moyen, taqwallahi azza wa jalla, la crainte pieuse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut impérativement que tous les serviteurs et les servantes d'Allah soient diligents quant au fait de concrétiser la crainte pieuse d'Allah, la taqwa. Allah azza wa jalla a dit: Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. C'est-à-dire, et nous avons enjoint à ceux qui ont reçu le livre auparavant, c'est-à-dire avant vous, ainsi qu'à vous, de craindre Allah. Et la crainte d'Allah, c'est à ta quoi? C'est amalun bi ta'atillah, ala nourin min Allah, raja'a rahmatillah. Wa taqwa, tarku ma'asiyatillah, ala nourin min Allah, khifata iqabillah. C'est-à-dire que c'est, premièrement, dans un premier aspect, le fait d'obéir à Allah en te basant sur une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire une science, espérant sa miséricorde. Et c'est le fait de délaisser le péché, c'est-à-dire la désobéissance d'Allah, en te basant sur une lumière venant d'Allah, c'est-à-dire sur une science, redoutant le châtiment d'Allah. Et donc, si le serviteur lutte véritablement contre sa propre âme afin de concrétiser la taqwa, alors sa finalité est le bonheur, la sérénité, l'apaisement et la préservation dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il aura une bonne fin. Car comme Allah l'a mentionné, wal-aqibatu lil muttaqin. Et la bonne fin est pour les pieux. Al-muttaqun, c'est-à-dire ceux qui ont concrétisé al-taqwa. Ensuite, wa min thimar al-taqwa. Parmi les fruits qui découlent de la concrétisation de la piété envers Allah. Salahul hal. C'est-à-dire que notre situation soit bonne. Wa taysirul umur. Et le fait que Allah nous facilite les choses. Wa sa'atul rizq. Et qu'Allah nous donne de façon abondante notre subsistance. En effet, Allah azza a dit: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. C'est-à-dire, et quiconque craint pieusement Allah, alors Allah lui accorde une issue favorable et le pourvoit en subsistance de par des voies qu'il n'estimait pas, auxquelles il ne s'attendait pas. Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Et dans un autre verset de sourate, yani le sourate At-Talaq, le verset 4, et quiconque craint pieusement Allah, alors Allah lui facilite dans son affaire. Et également parmi les fruits de la taqwa, c'est que celui qui est muttaqi, c'est-à-dire celui qui a été pieux et obéissant envers Allah, Allah le protège des complots et des ruses et des méfaits de ce qui émane des autres créatures. Allah Azzawajal a dit dans Sourate Ali Imran, le verset 120, Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. Inna Allaha bima ya'maluna muhit. C'est-à-dire, et si vous êtes endurant, et que vous êtes pieux, c'est-à-dire que vous craignez pieusement Allah, ne vous nuira en rien leur complot, c'est-à-dire leur ruse, leur stratégie, leur stratagème. Et ceci a été corroboré, c'est-à-dire ce principe selon lequel, si tu es pieux envers Allah, tu préserves les injonctions divines, tu t'acquittes des obligations, tu délaisses les interdits, Allah te protégera. Ceci a été corroboré et mentionné également dans la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ihfadillah. Yahfadillah tajidhu tujahak. C'est-à-dire, Yahfadillah yahfadak. Qu'est-ce que ceci veut dire? C'est-à-dire, préserve et respecte les injonctions d'Allah, Allah te protégera. C'est-à-dire, donc, préserve ton obéissance vis-à-vis d'Allah, Allah te protégera. Et également, parmi les conséquences et les fruits bénéfiques de la concrétisation de la taqwa, le fait que quiconque aura concrétisé la taqwa dans ses paroles, dans ses actes, et aura préservé les injonctions divines concernant sa personne, alors Allah Azzawajal va le préserver dans son corps, dans sa santé, dans ses biens, dans ses enfants et dans toutes ses situations. Et Allah lui accordera des bienfaits, des formes de biens multiples et des bénédictions diverses dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah Azzawajal a mentionné dans Sourate Al-A'raf, le verset 96, Walau anna ahl al-qura, c'est-à-dire si les gens des cités, amanu, s'ils avaient cru, wattaqaw, et s'ils avaient été pieux, la fatahna alayhim barakatin min as-sama'i wal-ard, nous aurons ouvert pour eux les bénédictions des cieux et de la terre, c'est-à-dire que nous leur aurions accordé énormément de biens. Le troisième moyen, le fait de faire preuve d'endurance face à celui qui nous cause du tort. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a mentionné, Man nusira ala hasidihi wa aduwihi bimithli sabri alayhi wa tawakkul ala Allah. Comme mentionné dans Bada'i al-Fawaid. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que l'on n'a pas été secouru contre le méfait de celui qui est envieux ou de celui qui nous est un ennemi par une chose similaire à l'endurance et le fait de placer sa confiance en Allah. Donc il convient à la personne qui a été éprouvée par de la sorcellerie ou par du mauvais œil qu'il patiente face à son ennemi et qu'il ne transgresse pas à son encontre. Et qui ne se plaignent pas aux gens. Non. Et Allah Azzawajal avait fait savoir dans le Coran qu'en vérité, le mal qui est perpétré par les malfaisants, au final, ne revient qu'à eux-mêmes. Donc la finalité, c'est que c'est le mal qui les atteindra, eux. Le quatrième moyen, at-tawakkul ala Allah. La définition du tawakkul est la suivante. هو ثقة القلب واعتماده على الله مع بذل الأسباب المشروعة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. Donc c'est le fait que le cœur s'en remette à Allah. Le fait de s'en remettre à Allah et de placer notre confiance en Allah Azza wa Jal, tout en mettant en place les causes légiférées présentes dans le Coran et dans la Sunna. Et le fait de placer sa confiance en Allah est une des plus grandes causes par lesquelles le serviteur repousse le mal qu'il n'est pas capable de repousser lui-même. Parmi les méfaits qui émanent des créatures, comme transgression et comme animosité. Et donc, si le serviteur place sa confiance en Allah, alors Allah lui est suffisant. En effet, Allah Azzawajal a mentionné dans Sourate Az-Zumar, Alayhi Allah n'est-il pas suffisant pour son serviteur? Et Allah Azzawajal a mentionné, et quiconque place sa confiance en Allah, alors Allah lui est suffisant. Et méditons quelques instants sur l'histoire de Moussa, qui a placé sa confiance en Allah Azzawajal. Lorsqu'il était poursuivi par une armée immense, l'armée de Pharaon, et justement lorsque son peuple a commencé à être pris de peur, en disant Inna la mudrakun, c'est-à-dire que nous allons être rattrapés, nous sommes rattrapés, c'est-à-dire que il pensait être perdu. Et Moussa a nié ce propos, en disant Kalla, Inna ma'iya Rabbi sayahdini, c'est-à-dire que il a placé sa confiance en son Seigneur. Et il a dit, oh non, mais certainement Seigneur est avec moi et il va me guider. Allah l'a sauvé, a ouvert la mer en plusieurs endroits pour que les tribus des Bani Israël puissent traverser la mer. Et il les a sauvés et en plus de les sauver, lorsqu'ils eurent traversé, Allah a noyé leurs transgresseurs. Ceux qui voulaient leur faire du mal, il les a noyés devant eux. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, il faut savoir que si Allah nous protège, que nous avons placé notre confiance en lui et qu'il nous protège, aucun mal ne nous atteindra. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Wa'alam, en s'adressant à Abdullah ibn Abbas, il lui avait dit, Wa'alam, an al-ummata, law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, wa law ijtama'u ala an yadurruka بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله لك عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. C'est-à-dire que si la communauté tout en entier, dans son entièreté, voulait se réunir afin d'être utile en quoi que ce soit, il ne pourrait être utile et t'accorder un bien qu'en conformité à ce qu'Allah t'a prédestiné, c'est-à-dire à ce qu'Allah t'avait inscrit. Et que s'il Ils se réunissaient afin de te nuire, c'est-à-dire de te faire du mal, de te porter préjudice. En quoi que ce soit, ils ne pourraient te faire du mal qu'en conformité et en concordance avec ce qu'Allah t'avait prédestiné. Et il a dit, Rufi'at al-aqlam wa jaffat al-suhuf. C'est-à-dire que les stylos, les calames ont été levés et les pages sont sèches. Ceci fait référence à Kitabatul Maqadir. C'est-à-dire que la prédestinée a déjà été inscrite. Le bien et le mal qui t'est prédestiné t'a déjà été inscrit. Et ceci a déjà été consigné. Le cinquième moyen, فَرَاغُ الْقَلْبِ مِنَ الْإِشْتِغَالِ بِمَنْ أَصَابَهُ, c'est-à-dire le fait que le cœur ne soit pas préoccupé par la pensée concernant celui qui a fait du mal. C'est-à-dire que des fois, quand tu subis un tort de quelqu'un et que tu sais qui est cette personne qui t'a fait du tort, tu penses beaucoup à cette personne, au point que ceci peut-être même te fait avoir d'autres maladies ou aggrave ta maladie. Ou aggrave ton mal, te fait un tort physique qui émane d'une pensée qui est liée à la psychologie qui influe sur ton corps. Donc il y a beaucoup de gens dont la fatigue s'augmente, leur maladie augmente par le fait que leur esprit et leur cœur soient préoccupés par ceux qui sont envieux contre eux, ou contre ceux qui les ont affectés par le mauvais œil, ou ceux qui les ont affectés par la sorcellerie. Ou bien des fois, il se peut qu'ils soupçonnent, c'est même pas quelque chose de réel, quelque chose de catégorique, du fait qu'ils soupçonnent qu'un mal leur vient de par un tel ou un tel, qu'ils soupçonnent, alors ceci leur provoque des pensées tellement répétées, tellement y en est constantes, que ceci leur cause du tort et leur provoque un préjudice. Et donc, cher Al-Islam Al-Qayyim avait mentionné que ces maladies-là, parmi les meilleurs moyens de remédier à ces maladies-là, c'est le fait que l'être humain ne laisse pas son cœur et son esprit se préoccuper de cela par la pensée. Mais plutôt qu'il continue à focaliser son intérêt sur ce qui sera de focaliser son attention, excusez-moi, dans ce qui sera la concrétisation de ce qui est dans son intérêt, dans ce qui est relatif à sa vie religieuse et sa vie mondaine, tout en cherchant l'aide d'Allah Azzawajal, sans se focaliser sur la personne qui t'a fait du mal. Et donc, va qu'à tes occupations concernant ta vie mondaine et ta vie religieuse, tout en cherchant l'aide de ton Seigneur, mutawakkilan alayh, en plaçant sa confiance en lui. Et justement, Ibn al-Qayyim a donné une métaphore. C'est-à-dire une image pour faire comprendre comment tu peux te faire du tort et perdre du temps par le fait de focaliser sur ceux qui te font du mal, au lieu de passer à autre chose. Il a donné l'exemple d'un homme, Marra bika fi tariq. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui passe par un chemin et il te croise. Et justement, il se met à te faire du mal. Il se met à t'insulter. Donc, si jamais tu lui réponds, il y a deux options. La personne t'insulte, tu ne le calcules pas. Ça, c'est la première option. Tu ne calcules pas et tu ne te préoccupes pas de lui. Mais si tu te mets à lui répondre, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter le mal de la situation. Le mal de la situation va faire que ça va augmenter. Et peut-être qu'il va te faire du mal d'une manière plus prononcée. C'est-à-dire que le mal qu'il te porte et le préjudice qu'il te porte va augmenter parce que tu lui réponds. Parce que tu réponds à son invective. Tandis que si jamais tu te détournes de lui, tu te préoccupes d'autre chose, tu ne te préoccupes pas ni par la pensée, ni par les actes, ni de par ce qui est relatif à ses insultes et ses invectives, ton esprit va être serein, ce qu'il va oublier. Tu vas oublier ce qu'il a dit, tu as oublié ce qu'il a fait, et tu passes à autre chose. Et donc tu seras préservé de son mal. Et lui restera avec sa rage et sous le poids de son péché. Le sixième moyen. Le fait de se dévouer à Allah avec engouement et le fait de lui être obéissant. Donc le fait d'être dévoué à Allah en lui vouant un culte pur, c'est-à-dire sincère, et le fait de revenir vers lui par la dévotion et du fait d'aimer Allah, de placer sa confiance en Allah, de focaliser nos pensées vis-à-vis d'Allah et de préoccuper notre cœur avec ça, ça fait partie de ce qui repousse le plus les maladies et ce qui permet d'obtenir la préservation et la bonne santé. Car celui qui est obéissant envers Allah et qui est sincère envers lui, dans l'amour qu'il éprouve envers lui, alors Shaitan n'a pas de voie vers ce serviteur-là. En effet, celui qui est sincèrement dévoué à Allah, Shaitan n'a pas de voie vers lui. En effet, Allah Azzawajal l'a rapporté dans Sourate Sad, le verset 82 à 83, la discussion qu'il y a eu entre Allah et Shaitan. Donc, c'est-à-dire qu'Allah rapporte la parole de Shaitan, dans laquelle il a juré. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. C'est-à-dire qu'il a juré par ta puissance, en s'adressant à qui? À Allah. Et il parle de qui? Des êtres humains. Je les égarerai tous. Donc ça, c'est un serment qu'il fait. Il jure par Allah qu'il égarera tous les êtres humains. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'istithna. À l'exception de, illa ibadaka minhum al-mukhlasin. À l'exception de tes serviteurs, qui sont du nombre des mukhlasin, c'est-à-dire de ceux qui sont sincères, ceux qui auront adoré Allah avec sincérité et exclusivité dans le culte. Et concernant Youssouf, de par sa dévotion sincère envers Allah, alors Allah l'a sauvé et l'a préservé de beaucoup de mal et de méfaits. En effet, concernant cela, Allah Azzawajal dans Sourate Youssouf, le verset 24, avait dit: et donc, et ainsi, nous avons écarté de lui le mal, ou le fahsha et la turpitude. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Du fait qu'il faisait partie de nos serviteurs dévoués et sincères. Donc, la personne qui aura voué un culte pur et sincère à Allah, qui se sera dévouée sincèrement et exclusivement à Allah, alors il s'est retrouvé dans une situation où il sera dans telle une forteresse. Le septième moyen. At-tawbatu ila Allahi min jami'a adh-dhunub. Soyez attentifs à ce que je vais vous mentionner, car c'est lié à ce qu'on avait abordé hier concernant ce qui affecte certains musulmans dans certaines nations musulmanes, qu'Allah délivre les opprimés. Car ceci concerne beaucoup de situations dans lesquelles les musulmans sont amenés à subir les torts de certains mécréants de par les faits de leur péché. Et là, je ne vise pas quelqu'un en particulier ou un peuple en particulier, car Allah connaît As-Sara'ir. Non. Car une personne peut être éprouvée et Allah veut le bien pour lui, et une personne peut être éprouvée par le fait que Allah le châtie et c'est un bien pour lui, et une personne peut être amenée à subir de la part de ses ennemis ce qu'Allah lui prédestine, mais au final, il n'en tirera pas de bien quant à lui. Et donc, le fait que les ennemis des musulmans arrivent à avoir le dessus sur eux et à leur faire du tort, ceci découle de leur péché. Le fait que les musulmans soient dominés par des ennemis et qu'ils arrivent à subir des torts de la part de leurs ennemis, ceci est de par les conséquences de leur péché. Car Allah Azzawajal a dit: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. C'est-à-dire, quoi qu'il vous atteint comme calamité, ceci est la conséquence de ce que vos mains ont perpétré, de ce que vous avez fait comme acte. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Et il pardonne beaucoup, c'est-à-dire Allah. Et donc, le fait de se repentir à Allah des péchés est une des plus grandes causes qui permet de guérir des maladies et des maux, et du fait d'être soulagé des soucis et des tristesses et des afflictions, et d'être soulagé des calamités. Et c'est pour cela qu'Allah Azzawajal a, dans son livre Al-Karim, à de multiples endroits, à de multiples reprises, a ordonné à ses serviteurs de faire une tawbah, une repentance sincère. Allah, dans Sourate At-Tahrim, le verset 8, a dit: Ya ayyuhalladhina amanu. Donc, ô vous qui avez cru. Et justement, Abdullah ibn Mas'ud avait dit: lorsque tu entends un verset qui commence par Ya ayyuhalladhina amanu, prête l'oreille. Car il y a soit un ordre qui va être transmis, soit un interdit qui va être émis. Donc, Allah Azzawajal a dit: Ya ayyuhalladhina amanu, toubou ilallahi tawbatan nasuha. C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, repentez-vous tous à Allah d'une repentance sincère. Et dans un autre verset de Sourate An-Nur, le verset 31, Allah Azzawajal a dit: Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, la'allakum tuflihun. Ô vous qui avez cru, excusez-moi, repentez-vous tous à Allah, ô vous qui avez cru, afin que vous obteniez la réussite, et le succès. Et la tawbah des shurut, comme l'imam al-Nawawi, pour ne citer que lui, l'a défini. La tawbah étant un acte d'adoration, la première condition, c'est la sincérité. Le fait de se repentir sincèrement de notre péché. Deuxièmement, al-ikhla' an idh-dhanb, le fait de délaisser le péché dont on se repent. Ensuite, al-nadam, car inna al-nadamu tawbah, le fait de regretter sincèrement le péché dont on se repent. Quatrièmement, le fait d'avoir l'azm, le fait d'avoir la ferme résolution de ne pas recommencer ce péché dans le futur. Cinquièmement, que si ce péché concerne un serviteur ou une servante d'Allah, c'est-à-dire qu'on a transgressé contre quelqu'un, qu'on obtienne son pardon ou qu'on lui donne compensation, dédommagement, afin d'obtenir l'absolution de notre péché. Et également que cette repentance survienne avant la fin des temps, c'est-à-dire avant que le soleil ne se lève de son couchant. Car à ce moment-là, la tawbah ne sera plus acceptée. Et également que l'on se repente avant que la mort ne nous vienne. Car à ce moment-là, la mort non plus n'est plus, la tawbah, excusez-moi, n'est plus acceptée. Et soyez attentifs quelques instants. Car ce que je vais vous mentionner est une narration, une parole d'Ibn al-Qayyim dans Bader al-Fawaid. Elle n'est pas complexe, mais elle mérite méditation. قال العلامة ابن القيم: فمن سلط على العبد. J'ai besoin de lire en arabe d'abord. D'habitude, je lis avec mes yeux, je traduis directement, mais là, j'ai besoin de lire morceau par morceau. Vous m'excuserez. فمن سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه. Donc, il n'y a pas un ennemi qui arrive à dominer le serviteur, si ce n'est du fait de son péché, qu'il le connaisse ou pas. C'est-à-dire que le serviteur le connaisse ou pas. Donc, quand tu es dominé par ton ennemi, c'est de par tes péchés, que tu en aies conscience ou pas, que tu aies conscience de ses péchés ou pas. وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعف ما يعلمه منها. Et ce que le serviteur connaît de ses péchés est bien moindre que ce qu'il ignore de ses péchés. Il y a des péchés qu'il a accomplis et dont il n'a pas conscience. وما ينساه ممن مما علمه وعمله أضعف ما يذكره. Et ce dont il se rappelle comme péché qu'il a accompli et dont il a conscience est bien moindre que le nombre de péchés qu'il a oubliés. فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من توبة النصوح. Et donc, il n'y a pas meilleur moyen, lorsque le serviteur est sujet à être l'objet d'une transgression, d'une nuisance, ou qu'on le domine, que quelqu'un le domine par le mal, il n'y a pas de meilleur remède pour être soulagé du mal de celui qui lui fait du tort que le fait de se repentir sincèrement. Donc, en résumé, l'oppression que tu subis de la part des créatures d'Allah est la résultante de ta désobéissance vis-à-vis d'Allah. Et le remède à cela est la repentance et le retour vers Allah. Donc le huitième moyen, le fait de faire des aumônes et le fait d'être bienfaisant envers les créatures. Donc la sadaqa, l'aumône, a des fruits. Et la dépense et la bienfaisance envers les créatures a des fruits multiples. Et grandiose. Et ça a des effets, des répercussions louables dans les deux demeures. C'est-à-dire, fil dunya ou fil akhir. Parmi les aspects relatifs à la sadaqa, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa sadaqatu burhanun, que la sadaqa est une preuve de ta foi. Car le munafiq, pour lui dépenser fi sabilillah, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en Allah. Ne croit pas en son messager, ne croit pas à la résurrection, il ne croit pas à la récompense, Yom al-Qiyama. Tandis que le croyant, il donne en étant mutma'in, dans le sens où il est apaisé, car il sait que tant qu'il est sincère envers Allah, Allah ne laissera pas perdre la bienfaisance des bienfaisants. Et également, parmi les bénéfices qui découlent de la sadaqa, le fait que c'est une tazkiya, dans le sens où c'est une purification. C'est une purification de l'âme, car la personne ainsi purifie son âme des shuh, de l'avarice, de la pingrerie, le bukhl, par le fait de faire des efforts sur lui-même pour donner à autrui. Également, c'est une purification de tes biens, et c'est une cause de baraka dans tes biens. Et Allah Azzajal a mentionné concernant le fait que le fait de donner est une cause d'augmentation. Allah Azzajal a dit وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. Et vous ne dépensez quoi que vous dépensiez, c'est-à-dire pour Allah, فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Alors Allah le remplace auprès de vous. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Il est le meilleur de ceux qui pourvoient en subsistance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Ma naqasat sadaqatun min mal » L'aumône n'a jamais diminué des biens en quoi que ce soit. Et justement, parmi les fruits ou les effets positifs qui découlent de la sadaqa, ce que Ibn al-Qayyim avait mentionné à ce sujet, dans le sens où il avait expliqué que l'aumône était une cause qui repousse les calamités et les maladies. وَأَنَّ لَهَا تَأْثِيرًا عَجِيبًا فِي الدَّفْعِ الْبَلَاءِ وَالدَّفْعِ الْعَيْنِ وَالشَّرِّ الْحَاسِدِ. Que la sadaqa avait des effets étonnants dans le fait de repousser les calamités et les afflictions, et du fait de repousser le mauvais œil, et de repousser le mal de l'envieux. Le neuvième moyen. Et ce moyen-là est un moyen très difficile. Naam. Al-ihsan ila al-bari wal-murdi. Le fait d'être bienfaisant envers celui qui transgresse contre nous et qui nous fait du tort. Et il nous fait du mal, on est bienfaisant vers lui. Un des ulémas de Médine avait donné une image pour donner l'image du croyant, qu'Allah nous facilite afin qu'on soit des croyants pieux. Le croyant, il avait dit que le croyant est comme le palmier dattier. Comme vous savez, le palmier, les dattes poussent sur des palmiers. Donc il a dit, le croyant est comme un palmier dattier. Tu lui jettes des pierres, il fait tomber des dattes. Donc le croyant est comme ça. Et donc, ça, c'est un sujet qui est difficile, dans lequel peu de gens arrivent à concrétiser ce qui est idéal de faire. Allah Azzawajal, dans Sourate Fussilat, le verset 24, avait dit, La tastawil hasana wa la sayyi'a. C'est-à-dire, la bonne œuvre et la mauvaise œuvre ne sont pas similaires. Idfa' billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa, ka'annahu waliyun hamim. C'est-à-dire, repousse le mal par la manière de la meilleure des manières, c'est-à-dire en agissant de la meilleure des manières, et alors, celui entre toi et lui, il y avait une animosité, devient alors un ami chaleureux. C'est-à-dire, en te comportant bien vis-à-vis de celui qui te fait du mal, il se peut qu'Allah mette dans le cœur de celui qui te faisait du mal un changement et qu'il devient alors un ami chaleureux. Méditons quelques instants concernant le cas du prophète alayhi. Il a été amené, sachant qu'au début, avant la révélation, c'est-à-dire avant qu'il ne reçoive la prophétie, il était As-Sadiqul Amin. Ça, c'était le surnom qu'il avait au sein de son peuple. As-Sadiq, le véridique, Al-Amin, le digne de confiance. Il a été insulté par son propre peuple, menacé de mort, tentative de meurtre. Le prophète a subi des méfaits de la part de son peuple. Mais lorsqu'il a été, de par la grâce d'Allah Azzawajal, bienfaisant envers même ses ennemis, il était juste et équitable envers eux, il y a parmi des gens qui étaient ses pires ennemis qui sont devenus ses plus fidèles alliés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été bienfaisant. Méditons quelques instants sur tout ce qu'il a subi de la part de son peuple, qui lui a fait la guerre, qui l'a traité de sorcier, qui l'a traité de menteur, de poète, poète fou, alors qu'il était le plus noble des hommes et qui a été le meilleur des hommes envers eux, et qui ne les appelait qu'à ce qui sera la cause de leur bonheur, de leur réussite et de leur salvation dans ces deux demeures. Lorsqu'il a conquis la Mecque, en quelle année? Quelle année de l'Égypte il y a eu Fatra Mecque? Huitième. Donc, justement, et cette faïda, tu peux la retrouver dans Al-Urjuz al-Mi'iyya de Ibn Abil Aziz al-Hanafi. Non. Mentionne 16 ans. Taï. Et donc, du coup, j'ai pas réussi à ce point. Non. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la conquête de la Mecque, cette conquête a été une domination totale. Donc, il a fait rassembler les polythéistes de Quraysh. Ceux qui l'ont insulté, ceux qui l'ont dénigré, ceux qui ont essayé de le tuer, ceux qui l'ont combattu pour leur polythéisme. Il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Là, ils ont changé de discours. Ils ont dit, on espère du bien, ô le plus noble d'entre nous, fils du plus noble d'entre nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, partez, je vous ai pardonné. Alors qu'ils lui ont fait du mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a pardonné. Alayhi salatu wa sallam. Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté le cas d'un des prophètes parmi les peuples précédents, qui justement, lui, appelait son peuple à l'islam, à la religion d'Allah azzawajal. Il lui avait jeté des pierres, il lui avait fait du mal, ou plutôt il lui avait fait du tort, jusqu'à ce qu'il en ait saigné. Et alors qu'il essuyait le sang de son visage, il a dit, c'est-à-dire que le prophète en se rapporte la doua que ce prophète envoyé avant lui avait dit, Allahumma ghfir li qaumi, fa innahum la ya'lamun. C'est-à-dire qu'alors qu'il essuyait le sang de son visage, alors que c'est son peuple qui lui a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il a péché contre eux. Là, parce qu'il leur a fait la da'wah. Il les a appelés au khair. Il ne leur demande pas d'argent. Il les a appelés au khair. Ils lui ont fait du tort jusqu'à ce qu'il enseigne. Il essuie son visage. Il dit Allahumma, ô Allah, irfir li qawmi, pardonne à mon peuple. Innahum la ya'lamoun, car certes, ils ne savent pas. Il y a ici quatre points. Quatre points dans lesquels on voit la bienfaisance de ce prophète à l'égard de son peuple. Premièrement, le fait qu'il leur a pardonné. Premièrement, le fait que lui, déjà, leur a pardonné. Deuxièmement, le fait qu'il demande pardon en faveur de son peuple. Troisièmement, le fait qu'il leur cherche des excuses en disant car ils ne savent pas. Et la quatrième marque de bienfaisance, le fait qu'il s'affilie à eux. Dans le sens, il dit, pardonne à mon peuple. Il n'a pas dit pardonne-leur. Il a dit pardonne à mon peuple, montrant son affection et son attachement à leur regard. Le dixième moyen, le fait de concrétiser le culte exclusif à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il convient, et de façon obligatoire, de concrétiser l'adoration d'Allah exclusive. Car il est celui qui prédestine toutes choses et qui a le contrôle sur toutes choses. Et rien ne peut nous être utile. Et rien ne peut nous être nuisible si ce n'est de par sa permission. Allah Azzajal a dit, In yamsaskallahu bidur, fala kashifalah. Si Allah te saisit de par un mal, c'est-à-dire qu'Allah t'atteint par un mal, nul ne peut le dissiper. Illahu, si ce n'est lui. Wa in yuridka bi khair. Et si Allah te veut un bien, fala rada li fadlih. Alors nul ne peut repousser sa grâce. Yusibu bihi man yasha min ibadi. Il atteint avec cela qu'il veut parmi ses serviteurs. Wa huwa al-ghafur al-rahim. Et il est le pardonneur, le très miséricordieux. Ibn al-Qayyim a dit: Fa'idha jarrad al-abd al-tawhid faqad kharaja min qalbihi khawf ma siwa Allah. Si le serviteur viendrait à concrétiser le tawhid, alors sortira de son cœur la peur d'autre qu'Allah. Wa kana aduwwuhu ahwana alayhi min an yakhafuhu ma Allah. Et son ennemi deviendra insignifiant au point qu'il ne pourra pas avoir peur de lui avec Allah, c'est-à-dire qu'il n'aura peur que d'Allah. Wallahu yatawalla hifdhahu. Et Allah se chargera de le protéger et de repousser le mal de lui. Car Allah est le protecteur, il est celui qui défend et qui protège ceux qui ont cru. Et donc si le serviteur est croyant, Allah le protégera et ceci est sûr. En proportion de son degré de foi, alors la protection d'Allah vis-à-vis de ce serviteur sera proportionnelle à sa foi. Fat-tawhid, hisnullahi al-a'zam, alladhi man dakhalahu kana min al-aminin. Et donc le tawhid est la forteresse d'Allah la plus grandiose, et quiconque y rentre sera de ceux qui seront en sécurité. Et donc, cher l'islam Ibn al-Qayyim, concernant ces 10 moyens qu'il avait mentionnés dans Bada'i al-Fawaid, avait mentionné que ces 10-là étaient parmi les plus efficaces et parmi les moyens qui permettent de repousser le mal de l'envieux et de celui qui nous jette le mauvais œil et de celui qui agit avec la sorcellerie. Et il mentionna que وَلَيْسَ لَهُ أَنْفَعُ مِنَ التَّوَجُّهِ إِلَى اللَّهِ وَإِقْبَالِهِ عَلَيْهِ et qu'il n'y a pas de chose de plus bénéfique que de se tourner vers Allah et de se dévouer à lui avec engouement وَتَوَكُّلِهِ عَلَيْهِ et du fait de placer sa confiance en lui وَثِقَةِ بِهِ et de lui faire confiance وَأَنْ لَا يَخَافَ مَعَهُ غَيْرَهُ et de ne pas avoir peur en dehors d'Allah de qui que ce soit avec lui. بل يكون خوفه منه وحده. Mais que le serviteur fasse en sorte que sa peur ne soit que la peur d'Allah seul. et qu'il ne place son espoir en nul en dehors de lui, mais qu'il place un espoir en Allah seul. Fala yu'alliq qalbahu bighayrih. Alors il ne laisse pas son cœur s'attacher et se lier à quiconque en dehors de lui. Wala yastaghithu bisiwah. Et qu'il n'implore le secours de personne en dehors de lui. Non. Donc avec ceci, nous avons couvert de façon résumée, synthétique et concise, 10 moyens qui sont des causes de protection et de remède concernant la sorcellerie et le mauvais œil. وبالله تعالى التوفيق وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.